Que le Seigneur bénisse chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Wana bariki kila nduku na kila dada mujina wa Yesu Christ. Amen. Nous reprenons notre écriture. Tutachugua andiko yetu. Ésaïe 53 verset 1. Isaïe, je vous prie de vous lever. Na misi mupate kusimama. Je vais prier. Kwanza ntaomba. Dieu Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Aksanti Dieu aiba tu unatupatia tena leo. Nous n'avons pas besoin d'une apparition surnaturelle quelconque. Atuitaji konekana kwa kimungu kwa aina yote yote. Un signe visible dans le ciel. Wala alama ya konekana toka mbingu. Nous n'avons pas besoin de cela. Atuitaji le yote. Pour croire que tu es au milieu de nous. Juu tupate kuamini asema uko katikati yetu. L'écriture suffit, Seigneur. Andiko tu peke yayo enenea Bwana. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Pale bawili wala batatu wakusanyika mujina la. Toi, tu es au milieu de nous. Oui, Mungu, katikati yetu. Nous sommes ce peuple qui a trouvé grâce à tes yeux en cet âge de la fin. Tuku taifa ile napata neema mwikizazi ya mwisho kwako. Beaucoup de gens vont dans des assemblées. Batu mingi banendo ma mikusaniko. Mais ils sont passés à côté de ton programme de ce jour. Lakini walipita pembeni ya mapu yako ya siku. Et nous sommes dans ta volonté. Lakini sisi tuku katika mapenzi yako kamilifu. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous le dise. Mais la parole nous dit que nous sommes de vrais adorateurs. Et toi, Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu es avec nous cet après-midi. Viens-nous en aide. Utusaidie. Ouvre-nous les yeux de nos cœurs. Utufungule macho ya moyo. Donne-nous une bonne compréhension des choses divines. Et guéris-nous de toutes nos maladies spirituelles. Guéris-nous de toutes nos maladies physiques. Ta présence suffit, Seigneur, pour que chacun de nous expérimente beaucoup de choses. Ta présence suffit pour que toute peur, tout doute soit enlevé du milieu de nous. Wepo wako inenea juu ya shaka yote na boka yote ipate kutoka ndani yetu. Oui, fanye Bwana. Pour la gloire de ton Saint. Ni juu ya utukufu wa jina lako takatifu. Au nom de Jésus Christ. Mu jina Yesu Kristo. Amen. Amina. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ninanu la riamini kwa ile walitutangazia? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ninanu la ritambua mkono wa milele? Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Bwana Mungu abariki sehemu la andiko. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Maratena, Bwana Mungu akubariki. Et que le Seigneur bénisse aussi ceux qui nous suivent en ligne. Na Bwana Mungu abariki pia banduku bale banatufata mu njia ya internet. Que le Seigneur puisse les assister dans tous les sens. Bwana Mungu apate kubasaidia mu manamna yote. Et qu'il les bénisse richement. Na babariki sana. Hier nous étions occupés à attirer toute l'attention de chaque frère et de chaque sœur concernant le salut. Jana turangaika sana jua kuvuta angalisho ya kila nduku na kila dada ili apate teka angalisho pa wokovu. Le souci du Saint-Esprit c'est celui-ci, frère et sœur. Angaiko ya Roho Mtakatifu wala kutaka kwa Roho Mtakatifu ni huku nduku na dada. Même moi je suis convaincu. Hata mimi mwenyewe niko na hakikisho. Que chaque frère ici et chaque sœur. Ya kwamba kila nduku na kila dada hapa est vraiment sincère dans son cœur quand il vient. Eko katika na uwaki mumoyo wakati anakuja. À moins que d'autres viennent pour d'autres motifs. Mais je crois de tout mon cœur que la majorité des sœurs et des frères, tous viennent pour être sauvés. Tous viennent pour que Dieu fasse quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Maintenant, sœurs et frères, écoutez bien. Dieu n'est pas un magicien. Mungu ana magicien. Dieu ne peut pas faire des choses sans votre vouloir. Mungu hawezi kufanya vitu nje ya mapenzi yako. La clé dans le salut. Funguo mukuokolewa. La clé dans le salut, dans les choses de Dieu. Manake, le secret c'est quoi? Siri mubitu ya Mungu ni nini? Votre vouloir. Ni mapenzi yako, kutaka kwako. Votre disposition. Votre façon de vous mettre à la disposition de Dieu. Namuna yako akujitoa la muwepo wa Mungu. Dieu voudrait que vous lui donniez suffisamment tout votre être et lui laissez la main libre de faire ce qu'il veut. Mungu anapenda umupache kumupatia bumuntu wako bote umupatie uhuru aye kutenda mu maisha yako. Donnez-lui cette occasion là. Umupatie ile bati. Et chacun de nous na kila mmoja wetu expérimentera de la bonne manière les ata, choses de Dieu. Bitu ya Mungu. Dieu c'est un grand roi. Mungu ni mfalme mkubwa. Un grand maître. Mwalimu mkubwa. Maintenant, il faut lui laisser le champ libre de votre cœur. Manake napashi kumwachia wazi moyo wako. Lui laisser le champ libre de votre vie, de votre corps, de tout ce que vous êtes. Umwachie maisha yako, mwili yako, kile kyote huko mwacheke wazi. Laissez-lui le temps de régner suffisamment. Umwachie wakati yeye kutawala kabisa. De sentir que vraiment ce terrain m'appartient. Apate kujiona kwamba hii kiwanza ni yangu. Quand l'écriture dit, wakati andiko iko nasema, cherchez l'Éternel pendant qu'il se, qu'on peut le trouver. Tafuteni wa milele wakati pale angani na ulikana. Regardez comment l'écriture dit. On peut lire ça, Isaïe 55. Isaïe 55. Tunawezi kuisoma. Regardez le verset 6. Mstari ya 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'on peut le trouver. Tafuteni wa milele wakati ilangali naonekana, ili wakati naweza kumpata. Le tandis qu'il est, pendant qu'il est prêt. Il est à côté de chacun. Mumuite wakati leko karibu, eko pembeni ya kila mmoja wetu. Dieu n'est pas très loin de chacun. Mungu ana mbali na kila mmoja wetu. Dieu est à côté de chaque frère et de chaque sœur ici. Mungu eko pembeni ya kila nduku na kila dada hapa. Qui croit que Jésus est vraiment Dieu? Yeyote unaamini yasema Yesu ndio Mungu. Qui croit que ce message est la vérité? Quiconque croit que cette église prêche le véritable évangile, Dieu n'est pas très loin de vous. Maintenant, Dieu aime que chacun de nous l'invite pleinement à venir dominer sa vie. Mungu anapenda kila mmoja wetu apate kumwalika kwa kutawala kabisa kabisa maisha yake. Et vous verrez Dieu agir. Na mtaona Mungu atatenda. Chacun de nous sera témoin que Dieu parle réellement. Kila mmoja wetu atakuwa mshuhuda kwamba kweli kweli Mungu yuko anasema. Chacun sera témoin que Dieu conduit. Kila mmoja atakuwa mshuhuda kwamba Mungu yuko anaongoza kweli kweli. Écoutez, toujours le même chapitre. Paka ile sura moja. Verset 3. Msari ya 3. Prêtez l'oreille. Muteke sikio. Venez à moi. Mukuje kwangu. Écoutez et votre âme vivra. Musikilize na nafsi yenu itaishi. Regardez le verset 2. Tazameni msari ya 2. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Dieu a nini munapoteza fedha yenu kwa vitu vinavyokushibisha? Pourquoi payez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Dieu a nini munatumika kwa vitu vinavyokushibisha? Écoutez maintenant. Musikie sasa. Écoutez-moi donc. Munisikilize basi. Et vous mangerez ce qui est bon. Na mutakula kitu kizuri. Votre âme se délectera de mets succulents. Na nafsi yenu itashibishwa na chakula mzuri. En écoutant Dieu, manake musikia Mungu, en faisant ce qu'il demande, mukufanye kila anapenda, chacun de nous, kila mmoja wetu, goûtera la bonté de Dieu. Ataonja wema wa Mungu. Il sera témoin que Mungu ni wa bya kweli. Atakuwa mshuhuda que Dieu est réellement vrai. Ni Mungu wa bya kweli, c'est une réalité. C'est un Dieu vrai, ni mambo ya kweli. Pour voir la réalité de Dieu. Bawe kona uhakika wa Mungu. Même la création. La création parle plus que la parole. Tazameni hata maumbile, maumbile kunasema kushindia hata misemo. Dieu n'est pas une imagination. Mungu ana mumafikiri, mumawazo. Il faut beaucoup crier. Vile watu wanawazia inapashi ulalamike sana. Hapana. Il parle comme des hommes. Mungu yuko nasema sawa vile watu wanasema. Eh, unasikia sawa watu comme des hommes. Eh, unaona sawa bantu. À la seule différence, atanisho tu moya. Il sait voir dans chaque cœur. Yeye yuko naona mkila moyo. Qui veut lui sacrifier sa vie. Yeye yote anapenda kumtoa maisha yake. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Cette parole est apportée, frères et sœurs. Ineno inahubiriwa ndugu na dada. Sincèrement. Kweli hakika hiyo. Commencez même par les 18 frères et sœurs qu'on a baptisé dimanche. Wanzi hata kwa bantu 18 bali batisa siku ya yenga. Na wanzi ni Mungu alikusamea yabo. Na mambo ya Mungu. Dans la parole de Dieu. N'attendez pas voir un signe, une apparition visible pour croire que Dieu est avec vous. Ushichunge one alama moja ya kuonekana juu kwa na hakikisho sema Mungu yuko pamoja na. Une certaine sensation dans le corps. Wala usitafute kuchemka fulani mwili hapana. Ne pensez pas que Dieu vous achetez ça pour rien, putain maungu njo sanjo itika sema Mungu yuko. Ne croyez pas que vous sentirez comme l'effet du courant pour que tu croyes que Dieu réellement existe. J'ai toujours pris l'exemple de Marie. Kila mara mimi nachukua kwa mfano ya Maria mama wa Yesu. Mungu yadi. No no Marie. Wakati Roho Mtakatifu ilimwambia Maria, accepte seulement. Mwitikie tu. Dieu lui-même s'arrangera. Mungu yeye mwenyewe atariangalia. La chose sera produite en toi. Na ile mambo itafanyika ndani yako. Mungu yuko kwa siku Maria alishika na sema Mungu na mtetemeke. Ni nyajama hii un jour que Maria sentit une sensation de gore. Maria alisema, mimi naitikia niko tayari. Petit à petit. Pole pole. Elle sent que son corps. Anasikia mwili yake. Des manifestations qu'elle n'avait pas avant. Inakuwa na kuonekana kumwoa yako la siku na kwa. Elle sentait vraiment qu'il y a une grossesse. Akasikia kweli kweli ya kwamba anapata mimba. Anapata dans les choses. Observez même les Samson. Mwangalishishe hata Samsoni. Samson c'est une conviction. Il était convaincu que je suis un Nazirée. Samson alikuwa na hakikisho asema mimi ni kumnazirea. Je suis consacré à Dieu. Nesha tolea kwa Mungu. C'est-à-dire, manake je n'ai pas besoin d'une apparition quelconque. Nishidaji. Kuonekana kwa mtu fulani ndio ni hakikisha sema Mungu yupo pamoja nami hapana. Wakati walikuwa namwambia Samson le Philistin sont là. Samson va Philistin bon balé. Samson savait que même avec un essuie. Alijua sema tana nguo tu. Akifanya vatanguka. Dès qu'il fait seulement comme ça, ils vont tous tomber. Et vous croyez aussi comme ça. Na mwamini paka vile. Daniel, Meshach et Abednego. Daniel, Meshach et Abednego. Ils n'avaient jamais vu une apparition quelconque. Par quoi va y onaka konekana fulani? Ils se croyaient être des Juifs. Bon, Mariamini, toi, c'est ma chitou kubayuda. Mais ils se croyaient que nous sommes des Juifs. Mardokayo, naïaramini, c'est ma chitou kubayuda. Dieu entrera en scène, quelles que soient les circonstances. Mungu emunya tenya mukibeta azuri, n'y a pas besoin d'une apparition. Abakuitaji konekana kumwa fulani. Ne pensez pas que pour que vous soyez convaincus que vous êtes un enfant de Dieu. Vous choisissez ce moment. Il faudrait qu'il y ait une certaine manifestation. Shetani n'a pas tiré habitué à Bordeaux. Shetani n'a pas tiré habitué à Bordeaux. Or l'Écriture est claire. Japon dit que quoi? On les reconnaîtra à leur fruit. Batevatambua kupiti à matendo ya. À leur sensation. Apana mukutetemeka kwa apana. Par la façon de danser. Wana muna muna yabo ya. Jeza kuruka na kula na mika apana. On reconnaît un chrétien. Wana tambua kam Christo. Au fruit de la parole. Kupiti à matunda ya neno. C'est ça. Jovile. Un chrétien ne le reconnaît pas sa façon de danser. Mon Christ, ne soit pas le fondement de votre foi. Il est chiqué un jour misingi à imani yako apana. Croyez-vous que vous êtes un enfant que Dieu a appelé de lui? Ujamini tu asambu ya kwamba ukumtoto wa Mungu leo Mungu alikuita na Mungu anakujua. A moins que vous soyez venu par aventure. Usipokuwa ulikuwa tu kumichezo. Kama mungu yako na mbili ya kusema si ni Mungu alinisungumzia kwa ke Dieu qui t'a chuchoté c'est pourquoi tu as cru inaisha kwa mingi ile croyez-vous que vous êtes un enfant de Dieu ujamini asema kwa mtoto wa Mungu et que Dieu est responsable de votre appel na Mungu ndio mwenye mjito ya mwito yako. Bonne embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous apportons la parole. Nous n'avons tout qu'on a l'état d'être. Pour que chaque frère et chaque soeur. Vu à qui l'andouku na qui la dada. À toi que mon défaite, mon les sortes de défaites là où nous sommes. Parce que vous êtes un chrétien. Comme Christ, mais aucune victoire. Aucune percée. Vous n'expérimentez rien. Où est l'enlèvement? Comment iras-tu dans l'enlèvement? Et il y a des gens, vous, quand vous regardez bien les gens, ils sont là, ils croient qu'il y aura un jour où il y aura quelque chose de surnaturel, d'apparition, et ils vont croire que Sondez les écritures. Quand Daniel était face au roi Nebuchadnezzar, et qu'on lui exigeait que tout le monde se prosterne devant les statues, ouais. Daniel se retirant dans la chambre, Daniel arienda tu muchumba pembeni. Il n'avait qu'une promesse, c'est tout. La prière de Salomon. Maombi ya Salomon. Même quand tes enfants seront quelque part dans un pays étranger, et de là, des problèmes surgiront. Mais quand ils se tourneront vers ce temple, vers la ville, toi Dieu exauce Dieu. Jéhovah, après cette prière-là, avait dit à Salomon, j'exauce. Daniel a chaunant quand même une quelconque apparition. Daniel a quoi le connaître à ta connaissance. Il était tranquille, il sait que bon Dieu est responsable de sa parole. Alors comment nous utilisons la parole? Je ne peux pas me prosterner devant une statue. Tu vois le véritable Dieu c'est Jéhovah. Mungu akweli ni Jéhovah. Et nous avons la promesse. Na tuku na malako. Aliomba. Aliomba. Et Dieu est en transe. Na Mungu aningia mkibeta. Dieu en train de. Vous devez vous croire comme un enfant de Dieu. Vous savez, la parole quand elle vient, neno la Mungu toute la prédication, qu'est-ce que nous faisons? Nini tunafanya? Luc chapitre 13. Luca sura 13. Vous allez regarder aux frères et sœurs, croyant que ce sont de véritables enfants de Dieu. Comment peut-on être un enfant de Dieu avec des défaites, sans victoire? Ça n'existe pas. Comment peut-on être un arbre de Dieu, mais portant de mauvais fruits? Il y a quelque chose qui ne va pas. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva pas. Ouais. L'homme là qui avait le figuier dans son champ, c'est le Seigneur Jésus. Je l'ai déjà appelé à la véritable parole de Dieu. Il est déjà baptisé. Chaque jour, Jésus vient pour qu'il voie un fruit d'être chrétien. Il ne trouve pas. Il vous reconnaît comme étant son figuier. Il vous reconnaît comme étant son appelé. On s'est regardé à lui, on voit maintenant Jésus-Christ sur la terre. Matamwangalie yeye na kujua sema unjo Yesu Kristo pa dunia. Mwisho wa siku kutakuwa siku mwanjo pasteur adashimamaka na siffler ou mala mo munanzi kwa ba Christ. Ne croyez pas qu'il y aura un jour que le pasteur va siffler. Les subitement vous devenez maintenant chrétien. Apana. Maubiri wanaleta kila siku hapa. C'est pour aider chaque frère et chaque sœur à aller de l'avant. Njia kusaidia kila ndugu na kila dada apate kusonga mbele. A expérimenter Dieu. Apate kumuonja Mungu. Dieu ne vient pas l'expérimenter dans cette salle. Mungu hawakuyake kumuonja Mungu chumba pana. Dans cette vie privée dans votre maison. Arakini ni maisha kwa upeke mkila nyumba. Munyumba yako mndoa yako. Mambo yote. Vous devez voir maintenant que réellement niko mtoto ya Mungu na Mungu ni. Hakika je suis un enfant de Dieu et Dieu est avec moi. N'attendez pas que l'on vienne le constater ici. Non. Usichunge tu kwetu ione umkanisa pana. Chacun doit porter ce témoignage dans son cœur. Kila mmoja anapaswa kuwa na ushuhuda yake dans son cœur comme ça il est vraiment je suis un enfant de Dieu. Eh non, hapana kuchunga pastor yanzu kuonesha kusema huko mu Kristo. N'attendez pas que le pasteur me diacre pour amener que sema je suis un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Muamini mwenyewe, ujiamini wewe mwenyewe. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mama idie idime. Sasa nakuya anasema, c'est vrai que c'est mon figuier, c'est moi qui l'ai planté. Bibi kweli ni mti yangu. Ni jona lipanda lakini haina na na matunda. Ndio ndio binyeru. Sasa akasema wako. Kuna 3 ans que je viens. Fanya kazi tata mimi na kwa ya ce figuier. Kuna kwa miaka 3 mimi na kwa kutafuta matunda, mimi sipate kuimuti. Pastor, on dirait il y a un problème. Ça sonne tout. Couple, oui, Kate. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Juanini, na, tu vois, fais-y bouler. Le vigneron, c'est le Saint-Esprit. Mukulimani, Rom Takati. Où l'on a chunga, le chambre. Qui garde les champs. Le vigneron lui répondit. Mouchungaji, Akamomia, Moana. Laisse-le encore cette année. Uyache kombele imwaka. Je creuserai tout autour. Mita ichimburia pembeni. Mita weka mbuleo. Je vais mettre les intrants. Les intrants c'est quoi? C'est la prédication. Ile maubiri kunashikia huyu mhubiri anahubiri huyu mhubiri. Tout ça, c'est comme ça qu'on met la prédication que vous avez fait à frère na sœur. Voilà les intrants qu'on est en train de mettre tout autour du frère ou de la sœur. Je ne voulais pas n'a pas. Voilà les intrants que tu reçois. Dans l'espoir que mutumaini ya kwamba mutume matunda que tu puisses produire des fruits. C'est pourquoi nous venons. Tu commandes tu kuna kuja. Bonne embarque. Que le Seigneur vous bénisse. Je crée tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Peut-être mamamwendamasiku. Donnera-t-il du fruit? Inawezi kutoa matunda. Sino, kama ina file mutaikata. Roho Mtakatifu anamwambia Mungu asime chunga mbele kiloko. Le Saint-Esprit dit à Dieu, attendez un peu là. Mundo audire. Que mundo puisse prêcher. Et José aussi puisse prêcher. Que tel prédicateur puisse passer. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Attends d'abord. Roho Mtakatifu anamwambia Mungu. Attendez un peu qu'on essaye. Comment tu reconnais que c'est ton figuier, c'est ton fils? Dire, on a dit, c'est mon mouti, là, qu'on est mon mouti, là, qu'on est mon mouti. Attendez qu'on le vienne en aide. Kama tunamsaidia tunaona sema ni sindakana. Ndio ndio qu'on se rend compte qu'il est devenu impossible. Alors, je ne vois pas une seule, je ne vois pas. Missionne con duku wala dada. Sindakana dans cette église. Qui est vraiment impossible mwikanisa. Je ne le vois pas. Mishimone. Maintenant, où sont les fruits? Sasa matunda iko wapi? Mais les prédications sont apportées de la bonne manière. Mahubiri na mahubiri wa mnamo na mzuri. Maintenant, en retour, hein, vous devez vous-même vous mettre à la disposition. C'est comme je l'ai dit le premier jour. On a la dada na nduku. Voyez-vous, frère et ma soeur, quand Dieu nous a vus, wakati Mungu alituona, nous étions comme tulikuwa sawa des arbres épineux. Miti ya mamiba. Quand je vous ai lu c'est Esaïe 55 hier. Wakati na nimesomea Isaïe 55 jana. Le verset 13. Mstari wa 13. Tunaweza kuisoma nuno. Esaïe 55. Isaïe 55. Il faut tout le monde mahubiri tuye tuloko kunasikia. Il faut que ces peu de prédications que vous entendez que ça puisse vous réveiller un peu. Vous réclamez parce que la parole est claire. Fate kunomba neno la Mungu kuwazi. Qui celui qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani ula ritambua mkono ya milele? Mais c'est toi. Ni weye. Qui a reconnu que Jésus est Jéhovah de l'Ancien? Ni nani ritambua sema Yesu ndio Jéhovah wa agano la kale? Qui a reconnu que le vrai baptême c'est le baptême au nom de Jésus? Ni nani ritambua sema baptisi wa kweli ni mujina wa Bwana Yesu Kristo? C'est toi. Qui a reconnu que ce message c'est ça la vérité? Ni nani ritambua sema ujumbe ndio kweli? Qui reconnaît Malachie 4 comme étant ses frères Branham? Ni nani ritambua sema Malachie 4 ni frère Branham? Et après le ministère prophétique. Na kisha utumisha unabii. Ministère d'enseignant. Na Mungu atamsha utumisha mwalimu. La parole n'est pas apportée correctement, oui. Neno la Mungu banayobiri mzuri, ndio. Nous sommes éclairés sur tout le plan. Tunashangaziwa mangambo yote. Comment le fruit? Sasa, juu ya nini matunda inagawia? Juu ya nini matunda inagawia? Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 13. Kuminatatu. Unasikia sauti ya Mungu inaanza verset 11. La parole de Dieu commence. Njo vile neno ya wa milele nafanyaka na yo. Il sort de la bouche de l'Éternel. Le message que nous avons. C'est la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Le message c'est elle ainsi dit le Seigneur. Et qui peut croire vraiment le message de tous? Les fruits du message. Matunda ya ujumbe. Le bénéfice du message. Mafaida ya ujumbe. C'est la manifeste. Itaonekana. Il y a une promesse dans la Bible. Kuku malako Biblia inasema hivi. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète. Yeyote anapokea nabii sawa nabii. Reçoit la récompense du prophète. Atapokea malipo ya nabii. Tout ce que le prophète amène de la part de Dieu, lui reçoit ça. Ile yote nabii analeta kwa upande wa Mungu yeye ataipokea. Et un prophète n'est pas suscité comme ça par hasard. Nabii amuna mshake tubule hivi kwa kiongozi. Mungu aliona. Que l'humanité entière sera en plein ténèbres. Ya kwamba dunia mzima itakuwa katika magiza. L'adoration n'aura pas, ne sera pas là. Moi, quoi but, quoi bien quoi, il y a tout à fait. Même les Luthers, Ataba Luthers, même les Wesley, Ataba Wesley, ont adoré au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Moana, Rome, Takatifu. C'est avec le Pentecôtiste que le vrai baptême est revenu. Ni la qui Pentecôte, John Baptiste, quoi l'irudia. Toute la correction de toutes ces erreurs. C'est ce message. C'est la vraie adoration. Malaké, quoi but, quoi quoi. C'est nous qui sommes les vrais adorateurs. Ni si c'est Dieu tout babudoa iba kweli. Et si nous sommes les vrais adorateurs. Kama tout babudoa iba kweli. Cela que Dieu approuve, c'est nous. Bale Mungu anakubali ni sisi. Alors mettez-vous à sa disposition. Sasa mujiweke mutayarisho yake Mungu. Regardez maintenant. Et si en est-il de ma parole Iko neno langu, qui sort de ma bouche, ya kutoko kinywa changu, elle ne retourne point à moi sans effet. Ayezi kurudia kwangu bila matokeo. Je jure que ma parole ne quand quelqu'un reçoit ma parole. Mungu analapa kwamba neno langu wakati mtu anaipokea. La parole ne peut pas rester sans effet. Ayezi kubakia bila matokeo. Sans avoir exécuté ma volonté. Bila kutimiza mapenzi yangu. Écoutez, et accompli mes desseins. Na kutimiza makusudi yangu. Le projet que j'ai. Ma pwile niko nayo. Doit s'accomplir. Inapashi utimilika. C'est-à-dire, quel était le projet avec ce message? Ma pwile hii uchumbe likuwa ni mapu gani? Entre, en 1933. La voix est sortie. Sauti en pleine. Toka ni mbele ya watu wote. Ce message. Hii uchumbe. Précédera mon retour. Itatangulia kuja kwangu kwa pili. C'est ce message. Manake ni ujumbe. Qui préparera l'épouse. Jo itatayarisha bibi harusi. Et l'épouse c'est toi et moi. Na bibi harusi ni wewe na mie. Mais na mtu mwingine. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant écoutez. Sasa sikilizeni. Verset 12. Kuminambi. Oui. Dio. Vous sortirez avec joie. Mutatoka na fura. Si je venais tout comme Mazebu. Il en est ici. Na fura yote na sisi ni bintu vya bongo. Denomination avec joie. Tout na toka Mazebu frère. Nous sommes sortis de denomination. De quelle joie qu'on a trouvé la vérité. Na mioyo ya fura ya kwamba tunapata ukweli. C'est comme ça qu'on est sorti. Ni muina muna tulitoka. Et vous serez conduits en paix. Na mutaongoziwa msalama. Qui va nous conduire? C'est le Seigneur lui-même. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Ma milima na milima kidoko itaruka na furaha mbele yenu. Milima itafurahi na sema watoto wa Mungu boaba. Les montagnes se réjouiront. Mungu alakaka boaba manatoka. En disant, écoutez maintenant la suite. Voilà les enfants de Dieu. Écoutez la suite. Mufate ça c'est le grand. Et tous les arbres de la campagne, ya mpori, itapika mikono. C'est-à-dire, bantu bote batasema ni vya kweli, ni watu wa Mungu. Tous les gens diront, réellement ce sont des enfants de Dieu. Et au lieu de l'épine, pali pamiba, au lieu ya mi, vile murukuya miba, au lieu que vous étiez des épines, vile murukuyaka, tel que vous êtes David, germera un autre arbre, poussera un autre arbre. Ce sera une chose réelle. Manaki, t'as quoi kitu ya kweli? Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, n'attendez pas, c'est parce que c'est plus tard, c'est maintenant. Musiwazi a semani kumwenda masiku apana, ni hapa sasa. Le fumier, c'est maintenant, toutes ces prédications, c'est ça le fumier qu'on a. Mambo leo, ni maubiri yote banamipatia, ni hapa sasa. Écoutez. Sikilizei. Même Paul s'indignait un peu vis-à-vis des gens de Galate. Hata Paulo alikuwa anahuzunika sana mbele ya watu wa Galatia. Mchugue wa Galatia. Galates chapitre 4. Wa Galatia sura yake ya 4. Galates chapitre 4. En Galatia sura ya 4. Galate 4. En Galatia, verset 8. Sura 4 mustari ya 8. Autrefois, zamani, ne connaissant pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous ne connaissez pas Dieu. À présent, ça. Que vous avez connu Dieu. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Vous voyez comment l'écriture parle. Maintenant, Dieu vous reconnaît comme étant ses enfants. Mais pourquoi? Regardez la question. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Dieu a nini ça, ça mourudie, qui visaïf, m'tendo mon yachini. Il est vous la peine de vous dire qu'on est maintenant comme étant ses enfants. Celui qui est allé agiter dans toutes les dénominations, il vous a attiré. Pourquoi vous voulez maintenant manifester les choses que vous avez fui? Parce que maintenant vous connaissez Dieu. Apana. Frère, dans les dénominations, on avait pris la haine, le tribalisme. Comment arriver que Badada, comment arriver que les soeurs, celle-ci, celle-là, ne sait pas le plus. Mais vous n'en avez pas. Il y a des troubles. Pourquoi tout cela est manifeste? Mais vous êtes des enfants de Dieu, non? Pourquoi ces mêmes choses sont tu dois t'arrêter. Pourquoi ces choses apparaissent encore dans ma vie? Arrête toi-même et pose-toi la question. Nous sommes sortis de là. Nous avons abandonné la haine. Pourquoi elle doit encore manifester? Pourquoi doit-elle être encore colérique? Pourquoi doit être encore calomnieuse? Vous connaissez Dieu. Vous savez ce que Dieu fait et Dieu ne veut pas. Parce que vous étiez aveugle. Mais Dieu maintenant vous a ouvert les yeux. Vous avez le discernement. C'est pas correct. Comment tu acceptes avec tout ton corps de donner on avait Satan et ta bouche? Tu prends ta bouche, tu donnes cela à Satan pour qu'il tes yeux que Satan puisse utiliser. Ton corps que Satan puisse utiliser. C'est le problème de volonté propre. Pourquoi tu acceptes ni mambo ya mapenzi? Mapenzi yako kipendaro. Comment la katale, Satan n'est pas tintu? Si tu refuses, Satan ne peut pas te forcer. Romains 6. Warumi sura sita. Il faut que chacun de nous comprenne ce que nous faisons là. C'est un secret ou pas? Je suis déjà sorti de dénomination, je connais les véritables Dieux. Comment expliquer librement que mon corps, tout mon foyer, que Satan puisse encore l'utiliser? Non. Romains 6. Warumi sura sita. Verset 7. Mstari ya saba. Celui qui est mort. Wani ule alikufa. Est libre du péché. Il a été libéré du péché. Anesha kombolewa toka zambi. Libéré de la même mise de Satan. Anesha kombolewa na mkono ya shetani. Mena partu baptisa kamo jina Bwana Yesu Kristo njuani. Alors, pourquoi on t'avait baptisé au nom du Seigneur Jésus? Nijo konesha wazwazi même kudunia kusema. C'est pour prouver ouvertement même au monde. Tumejika kusema ule alikufa. Nishi enjo tu mi ule wandari tu alisha kukwaka. Pour prouver que celui qui était mort là, ce n'est pas lui, c'est nous qui sommes morts. Munaona namna kali. Anatenda na hekima mnene. Satan vient. Shetani anakuya. Je suis toujours le même José le corps là. Niko paka ule José mwana ile mwili ile. Et Satan veut me poursuivre. Shetani anapenda nifuate fuate. Satan me poursuit. Wakati amenifuata, il me trouve en moi. Anakuta ndani yangu. Une nouvelle créature. Mutu mupya. Alors il est troublé. Asa anafadhaika. Ule wa zamani. Busi chinsu sokorlo. Yaina imwili jo paka ule mtu wa zamani. Ndemo disuili. Sasa mbona jo paka imwili? Tumfuata eta brush. Wakati wankaribia. Ipe metre la main. Banapenda kuneka mkono. Kwa sababu ya demonstration des esprits. Sasa vile ma demona shetani ni maro. Ili jo posséder mon esprit. Banapashi bashike roho yangu. Wakati wankaribia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ule kondani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Il trouve une nouvelle créature. Banakuta kiumbe kipya ndani. Mais celui qui est dedans, ce n'est pas lui. Celui avec qui on était, ce n'est plus lui. Celui-ci, c'est une nouvelle créature de Dieu. Mais le corps, c'est celui-ci. Oui, l'injo pas kayoi. C'est la sagesse de Dieu. Ni ekima ya Mungu. C'est ça la sagesse de Dieu. Injo ekima ya Mungu. C'est comme ça que Dieu a dribblé Satan. Satan ne comprend rien. Arimuchola Shetan a chéré le corps. Mwili moya moya. Mais celui de l'intérieur. Alakini ule kondani. Une nouvelle création. Kiumbe kipya. Même Dieu moi dit ne m'pate du jour jour. Satan aussi il a de la vertige. C'est lui qui est mort. Ula alikufa. Ce n'est pas ce corps. Aina mwili. C'est le vieil homme. Ni ule mtu wa zamani. L'écriture parle clairement. Nawazia. Verset 6. Mstari ya 6. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Maintenant, verset 6. Sachant que notre vieil homme, la vieille nature, asili yetu ya zamani, a été crucifié. Ilisulubishwa. C'est pourquoi Satan y'en a couillé au monde, c'est que c'est pourquoi Satan vient. Quand il vient, tu lui dis, c'est lui. Quand il vient, pas ça, mon tundika. Celui qui a pas commis les péchés là, ce n'est plus moi. Il a été crucifié à la croix. C'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Je n'ai pas de rapport avec toi. Je n'ai pas de dossier avec toi. Celui qui critiquait là était déjà mort. Allez à Golgotha, il y a des preuves, il était déjà mort là-bas. Dis ça à Satan. Ou moins bien, Satan. Vile. Et la Bible ajoute, la Bible est naongeza. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Ali sulubisho pamoja na yule mtu wa zamani. Mukifukuzio kani. Afin que il y le corps du péché. Oui, mwili ya zambi. Afin que notre corps ici. Il y mwili yetu hii. Soit réduit à l'impuissance. Ipate kufaniwa aina na uwezo tena. C'est certain, je crois c'est écrit, soit détruit. Écoutez, Jésus se dit, sois réduit, afin que il qui mouille, afin que ce corps ici, qui couille impuissant d'agir maintenant, soit réduit impuissant d'agir. C'est celui qui est à l'intérieur qui a la force de le commander. Pour ramener ce corps, hein, à devenir esclave de la nouvelle création. Il partait quoi, tout moi, il y a les qui ont des qui pieds qui condamne. Croyez-vous cela? Mon ami vile. Croyez, vivez comme ça. Moi, mini la mouche vile. Mystétique. Je ne peux pas accepter. Ce que le corps demande, je refuse. Qui le mouille n'a ni homme, mi ou andale, mi na katana. Je qui l'indique, n'a sema. Écoutez. Ce qu'il disait. Verset 7 d'abord. Misère à Saba. Car. Wani. C'est-à-dire parce que. Wani. Celui qui est mort. Ou l'anesha koufa. Est libéré. Anesha kombolewa. Il est libéré. Anakwa uru. Toka zambi. Verset 10. Quand il est mort, alikufa. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Ni Dieu a zambi ndio pale alikufa. Pour toutes. Mara moja tu alikufa kwa ajili ya zambi. Et il est revenu à la vie. Na karudia kuzima. C'est pour Dieu qu'il vit. Ni Dieu ya Mungu ndio pale anaanza kuishi. Nous sommes à la disposition de Dieu. Manake tu kubikono ya Mungu. Na wewe mwenyewe sasa muro. Même toi même dans ton cœur. Lutte pour te mettre à la disposition de Dieu. Ufanye nguvu tu upate kwa mikono ya Mungu. Fanya nguvu sana. Fene fon. Sikote kwa prière hapo Seigneur. Chaque jour il te demande bien. Sina je n'ai pas beaucoup à prier, mais tu m'as donné la vie pour que je sois à mon bicom et à ton. Ma volonté, ma pensée, ma souhait, toutes ces choses-là, je les refuse maintenant que je les parle. Viens créer en moi des choses nouvelles. Tu verras, Dieu les fera. Parce que c'est pour ça qu'il est devenu homme. Verset 11. Ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort. Acceptez ça. Considérez, c'est-à-dire, croyez que j'étais déjà mort. Est-ce que vous comprenez le langage de la Bible? Croyez-vous que vous êtes déjà mort? La Bible vous dit de croire cela. Croyez-vous déjà que vous êtes déjà mort? Tu verras, Satan te dira, est-ce que tu es déjà mort? Tu es la même personne. Vous quittiez la ville, vous n'avez pas de mort. Aouta quoi dans le gouffre? Comment on a mis bien quoi? Si tu crois, ça veut dire quoi? Croire, c'est-à-dire quoi? Prendre position, se tenir là-bas, dans la chose là. Et avoir le garder ce langage-là dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Maintenant, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Zambi basi sitawale tena mumwili yenu ya kufa. Tadiri n'accepte pas. Manake mushitikie. Mumisemo wazi mushitikie. Apana tena kuchika masimango. Fopli accepte la medida. Apana n'accepte pli ke la apana ende pli tena mbaya. N'accepte pli la mechaste. Apana tena kuchika buji. N'accepte pli le mechaste. Katala resiste. Njo pale na jisho na pale kwenye kazi yetu. C'est là que nous devons aussi faire notre travail. Mungu anasema apana sita kuchika. Dieu a dit n'accepte pli. Vous verrez que ça ne vous fera rien. Tadiri bile binafanyikaka ni wewe unachikaka. Tadiri ce qui se font là c'est toi qui accepte. C'est toi qui acceptes. Haïssez cette sœur-là. Toi aussi tu l'haïs. Il ne faut plus lui dire bonjour. Toi aussi tu acceptes. Ah, il t'existe. C'est toi qui acceptes. Il est vantarde. Toi aussi tu acceptes. C'est pourquoi à la fin, Mouisho, Satan te dira, Satan te dira, toi tu m'avais vu moi haïr les gens. Tu resteras stupide dans sa vie. Pourquoi? Gianni, tu as pris ton libre arbitre. Tu as donné ça à Satan. Shetani, au lieu de le donner à Dieu. Pari akumpatia ke Mungu. Shonona Marie. Voyez-vous Marie? Quand elle a écouté l'ange parler. Wakati alimsikia malaika kusema. J'accepte, je suis la fille de Dieu. Que le monsieur a fait selon le sept. Il n'y fanikie kufatana na hii neno na niambia. Dieu avait besoin de cette approbation, cette acceptation. Mungu alihitaji apate kuitikia mwile na muna. Si Maria avait dit non, je refuse. Malaika shikupashi mufanikie. Mais Maria dit oui, je suis d'accord. Malaika anasema ndiye. Maria anasema mimi nakubali. Na wewe unapaswa kusema kuneno na Mungu bifanyike patie. Toi aussi à la parole de Dieu, tu dois dire que ça soit fait. À partir de leo. Dorénavant. C'est pourquoi vous créez tout le monde pour faire mes pangos. La chrétienté, c'est prendre la décision. À dorénavant. Dès maintenant, je refuse. Tout ceci qui monte dans mon cœur, je refuse. Tu verras que Dieu viendra te donner la force. Il viendra t'éclairer, Zaïdi. Là où tu veux brancher, il viendra te donner. Tu as dit que tu as refusé. Réellement, je refuse d'avancer. Tu as dit que c'est fini. Oui, c'est ça. Vous verrez la réalité de Dieu. Nous t'avons un ouakika wa Mungu. Mambo ya Mungu shwazese me ifukushika mama ubiri sana la parole de Dieu ne croit pas qu'il faut vous embrouiller vous écoutez de ce que vous dites ça ushike mama Mungu ça courant tu cherches un type de sensation comme celle du courant électrique avance avancer na Mungu na mwonyeshe Mungu avance avec Dieu comme Dieu de venir te dominer de te conduire tu verras que Dieu viendra te conduire utona Satan pa mambo inafika tu verras que Satan Satan anafika kula msha kisila même qu'il y a un événement Satan veut susciter la colère tu t'enteras Dieu te dira pourquoi t'énerver kuna cha una biwina. Toi aussi tu vas faire. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Zambi shitawale tena mumwili yenu ya kufa. Ah, donc nous sommes dans un corps mortel. Manake tuko mumwili ya kufa. Le corps là va mourir. Hii mwili huku nayo ile itakufa. Mais la Bible yangu nakusimikia sema. La Bible te montre que. Vous êtes dans un corps qui va mourir. Huku mumwili ile itakufa. Sina Mungu anaturevela kusema ki mwili kitakufa pale ukipatiria. Dieu nous révèle que ce corps ici mourra. Mais pas qui a pas renforcer ou le wandani. Renforce ce mouvement. Mungu atakupatia na mwili mwingine. Nous savons ce que les gens ne connaissent pas. Les gens qui sont des condamnés de Dieu, pourquoi tu as fait ça? Nous avons le corps mortel. Ce corps mortel rentre dans la poussière. Il y a un autre corps. Je meurs tranquillement. Je sais que ce corps doit rentrer. Et même quand la maladie vient, je dis bon, bon, je dis bon. Tu trompes ce corps. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Le Dieu réel est là-dedans. Il donnera un autre corps. Là, tu mens. Satan, il dira, nous sommes vécus, laissons-les, allons suivre quelqu'un d'autre. Yo, tu pleures, priez pour que je ne meure pas. C'est quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? Regardez dans toute la Bible ce qu'ils nous ont précédé. Mangali, va tout savoir, va Yacob, va Youssouf. C'était avant l'expiation. Il connaît belle et a ondulé les années faniques. Par quoi tranquilliser, ben c'est ma couleur. Par quoi Moussalama, il savait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Même Balaam. Atabalaam a voulu avoir une fin comme ces gens-là. Arrivent à quoi nous mouiller ça va valer bantu balé. C'est dans Nombre, je crois, 23. Mais que j'ai une fin comme celle de ces gens-là. On continue. Tout un délai. C'est-à-dire, verset 12, et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est-à-dire, mais la mouille, vous n'acceptez pas la convoitise. N'acceptez pas la convoitise. Du corps, c'est ça, les combats des chrétiens. Quand il parlait, le bon combat de la foi. C'est ça le bon combat de la foi. N'obéissez pas. Or, le corps, chaque jour, cherchera vous pousser dans cette temps. Mais vous, pas. Si je mets ta femme en entraînement, je compte ça. Si tu as un petit, je ferai des entraînements tout le monde. Quand vous entraînez chaque jour, c'est pourquoi la Bible est claire. Je comprends la Bible avec Oasi. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Il y a ma femme qui m'a dit. Mais la piété, c'est-à-dire faire l'exercice de la piété, est utile à plus à toute chose. Alors faites l'exercice de la piété, c'est-à-dire de l'obéissance chaque jour. Exercez-vous à obéir chaque jour, vous verrez que vous deviendrez fort. Mais quand vous ne vous exercez pas, vous serez un athlète vaincu, un boxeur qui ne s'entraîne pas. Comment est-ce que tu vas livrer bataille si tu ne fais pas d'entraînement? La piété, c'est, il faut s'exercer chaque jour. Utawa ina pasi kufanya mazoezi kila siku. C'est dans Timothée. C'est dans Timothée. Il y a un dico. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Mushito emili enu viungo enu amuyi kutambi. Tari n'accepte pas. Mais alakiri, donnez-vous vous-même à Dieu. Mujito, il y a votre volonté qu'on demande. Manake, manaloma, ni mapenzi. Vous répondez que quoi, Mungu. Il faut te donner à Dieu. Offrez à Dieu vos membres. Mumutoe, Mungu, milienu. Et quand vous faites ça, wakati unafambile, quelle sera la conséquence? Matokeo takwa nini? Verset 14. Kumina ine. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Na zambi, haitakuwa tena na uwezo yulu yenu. Quand on parle du péché, wakati umataya zambi, Satan et les démons n'auront point de pouvoir sur vous. Manake shetani na mademona, watakuwa na uwezo yulu yako. Puisque, wani, vous êtes non sous la loi, muko apana chini ya sheria, mais sous la grâce. Alakini chini ya neema. Ni sheria gani? La loi du péché. Ni sheria ya zambi. Hauna tena chini ya sheria ya zambi. Depuis que le jour que tu as vécu, que tu n'es plus sous la loi du péché. Dieu reconnaît que hauna tena chini ya sheria ya zambi. Yeye uta sheria. Quand on parle de la loi, wakati wanataya mambo ya sheria, tu n'es plus sous cette puissance là. Manake hauna tena chini ya ile uwezo ile. Tu n'es plus sous ce dominateur là. Hauna tena chini ya ile utawalo. Vous êtes sous un autre dominateur. Unakuwa chini ya mutawala mwingine. On te demande, on t'informe que Eti Kavide. Maintenant, bana kujulisha sema akina utawalo ya huyu. Tu n'es plus sous la domination de l'un, mais tu es sous la domination de l'autre. Na mtu anasema huyu wa zamani atakuwa na uwezo yule. Tu verras que le vieux là n'aura plus de pouvoir sur toi. Je vois que l'ancien là veut me dominer. Que ferai-je? Résistez-lui avec une foi ferme. Mushindane naye na imani ya nguvu. Et il fera quoi? Naye atafanya nini? Atakimbia kwenda mbali na mwenye. Vous cela? Mnaamini vile? Mujifanye mazoezi. Faites ça. Mfanye vile. Le christianisme dada na nduku. Je qui Christ. Alléluia. Faites ça. Le reste Dieu lui-même accordera à ma tabisse. Ma baki Dieu lui-même vous donnera. Ne faites pas. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous faites seulement ça. Vous fanye vile. Vous verrez Dieu. Uta muona Mungu. Bonne marie. Vous verrez Dieu. Utaona Mungu mukazi. Chaque jour exercez-vous. Kila siku fanye kufanya mazoezi. Chaque jour dites-vous dans votre cœur. Kila siku seme mu roho yako. Mimi ni mtoto wa Mungu. Moi je suis de la famille de Dieu. Les enfants de Dieu ne parlent pas langage. Les enfants de Dieu ne mentent pas. Les enfants de Dieu ne critiquent pas. Mais si ça se fait venir, tu dis non. Attends, on parle là, c'est pour de l'honneur de la place de Dieu. Mina kata. Il m'a dit qu'on est pas Dieu à fulani. La mauvaise pensée. Je ne veux pas. D'ailleurs, Jean-Claude, mais c'est ton bébé de monde. Prions Seigneur, tu vas te tuer. Et vous, tu vas vous dire, Maléo, si tu n'as pas eu un doux, nous nous mettons à ta disposition. Nous nous mettons à ta disposition. Je ne parle pas de Satan. Je ne parle pas de Satan. Pour que Satan écoute qu'il s'éloigne de moi. Ne donnez pas l'avantage à Satan. Nous sommes pas Dieu, bas de Satan. Nous sommes les enfants. Maintenant, il n'y a pas de fruits. Parce que Dieu n'a pas de fruits. Le fruit de la parole. Le salut. Le salut. C'est un changement de statut. Ne kubadilisha kwa quoi, namna. Comprenez. C'est une promotion dans la vie. Manake ni kupata cheo kwa maisha. Directeur. Il devient un directeur aussi. Okofuna yo. On te fait quitter de l'état de la pauvreté. Tu deviens riche. Unakuwa mtajiri ndani ya Mungu. Tu as des choses divines. Unakuwa na vitu ya kimungu. Kesho unabe pas là-bas. Bila kukua navyo chini. Tu es prince. Unakuwa mtoto wa mfalme. Toi-même tu es prince. Wewe mwenyewe mtoto wa mfalme. Romains chapitre 1. Warumi. Romains 8, je crois. Warumi munane. Attendez. Oui, Romains 8. Warumi sura munane. Ce qui est du Bible qu'on assemble. Écoute ce que dit la Bible. Frère. Quand on a chassé à outre à Mungu. Dès que tu écoutes la parole jamais, de Dieu. Jamais, il faut te cramponner pour que cela soit manifeste dans ta vie. C'est quand vous funga chakula, funga chakula. Il faut gêner. Là, on peut répéter pour que Dieu Mungu atimize hivyo. Et prie, répète-le pour que Dieu puisse l'appeler. Dieu est responsable. Mungu yuko na bushito. De l'appel. Wa mwito. Du fait qu'il vous a appelé. Ravila rikuita. Lui-même dit ceci. Yemunya anasema hivi. Il a jeté le regard parmi les nations. Alitupa macho yake pa mataifa. Pour faire quoi? Chercher des hommes et des femmes qui doivent porter son nom. Jia kutafuta banamuke na banaume wale wanapashi kubeba njina lake. Ula kuitaka ni ngambo wako. Celui qui t'a appelé là, est-ce ton grand-père? N'est-ce pas Dieu? C'est pourquoi on a banu ça ba Moïse. C'est pourquoi vous voyez déjà comme Moïse. Dieu Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide vraiment. Moïse mudai, je crois dans Exode 33. Moïse Exode 33. Il dit: Anasema, si on a trouvé grâce à tes yeux. Kama tulipata neema mbele ya macho yako. Mie na hii taifa. Révèle-nous tes voies. Afin que nous y marchions. Et que nous trouvons grâce devant toi. Puisque tu as dit. Tu me connais par mon nom. Ces choses ne sont pas écrites comme ça. Enfin. Dieu connaît chacun de nous. Dis-lui ça, tu as dit ça. Tu as dit ça. Ça se trouve dans la Bible. À la place de Moïse, c'est toi. Si tu voudrais voir les buissons ardents pour croire. Hier, qui on a eu une nabie, ça, tout n'a pas nabie. Oui, la vie, petit, nous, nous croyons sur parole, ça suffit. Si tu l'as mis, tu l'aimes. Croyez sur parole avancée. Ou à mini, pas qu'à neno, n'a wendele, gumbele. Croyez sur la parole, frère. Neno, la mou, Dieu lui-même dit, elle ne rentre jamais à moi, ça se fait. Aïe, nous dit, que toi, vous vile à ma toqueo. Il n'a pas dit, les signes surnaturels ne rentrent jamais. Il a dit la parole. Ah, si vous savez, c'est ma m'habitendo, aïe, qui mungu. Hapana, alisema ni neno langu. Hayezi kurudia bila kwa matokeo. Bwana mbariki. Kile Seigneur kubariki. Rome 8. Warumi sura 8. Regarde. Tazameni. Verset 12. Mstari ya 12. Ainsi donc, frères. C'est une conclusion. Hivi basi banduku kia mwisho. Nous ne sommes point redevables à la chair. Hatuna tena na ndeni na hiki mwili. Musitike. N'acceptez pas, vous n'êtes plus redevables. Vous n'avez pas de rapport. Hamuna tena na cha kuitika cha kutoka kumwili. Vous n'avez plus rien à accepter venant de la chair. Vous n'avez pas de dette de compte à rendre à votre corps. Hamuna tena na ndeni kumwili yenu. Pour vivre selon la chair. Je kuishi kufatana na mwili. Si vous suivez la chair, si vous vivez selon la chair. Kama ukiishi kufatana na mwili. Utakufa mu mambo ya Mungu hautatoka matunda. Verset 13. La parole de Dieu, vous n'allez pas et si Dieu. Par l'esprit basi, vous faites à mourir les actions du corps, ya mwili, vous ferez quoi? Nini? Vous vivrez, c'est-à-dire vous expérimenterez Dieu. Manaki, utamuonja Mungu. Ce qui est ça, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ni batoto ya Mungu. C'est-à-dire, acceptez que Dieu lui-même par l'Esprit vous conduise maintenant. Et verset 15. Minata. Vous n'avez point reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Un esprit de sagesse. Un esprit d'adoption. Et l'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de quoi? Toutes les promesses, mais on ne peut pas rendre comme une vieille tout. Pourquoi? Il y a une victime propitiatoire. Une victime qui nous fait trouver grâce, qui fait que Dieu est favorable pour nous. Une victime qui tranquillise Dieu à notre faveur. Même si nous commettons des fautes, Dieu doit pardonner. Pourquoi? À cause de cette victime. Ça tranquillise Dieu. Ça apaise Dieu. Et Dieu, à cause de cela, Dieu accepte de venir à notre secours. Dieu accepte de nous accorder le Saint-Esprit. Dieu accepte de nous venir au secours même quand les choses se compliquent sur la terre. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui nous arrive. Nous sommes héritiers. Regardez maintenant, toujours le verset 31. Maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de tout ça? À l'égard de toutes ces choses. Si Dieu est pour nous, comment Mungu est kungungambo yetu? Ni nani atetuchezete? Qui va encore s'opposer à nous? Mimi kuna Mungu. Moi j'ai Dieu. Nini mambo kanitakuwa nguvu? Qu'est-ce qui sera encore difficile? Amen. Amen. Maintenant, si Mungu eko ngambo yako, n'est-ce pas Dieu de ton côté? Maintenant, ni nini kunguvu? Qu'est-ce qui est difficile? Toi-même, tu diras non. Je me lamente pour rien, c'est très difficile. Et pourtant, j'ai Dieu. Pourquoi je me comporte comme quelqu'un qui n'a pas Dieu? Pourquoi je tremble comme quelqu'un qui n'a pas Dieu? Regardez comment l'ange a parlé à Gédéon. Va avec la force que tu as. Mais Gédéon, non, donne-moi un signe. En tremblant, on ne peut mais je suis avec toi, Gédéon. Je lui ai dit, Tu battras Madian. Regardez les états de l'esprit. Apana, de Christo dit la il cherchait toujours un signe. Être chrétien, c'est pas ça. Dieu regarde, bon, c'est avant l'expiation de la croix. Le cœur n'est pas changé. Mais ceux qui feront changer, ils me croiront. L'écriture, voilà l'écriture. Andiko, il dit à Thomas, akamwambia Thomas, tu crois parce que tu me vois? Unaamini juu unaniona? Heureux ceux qui croiront. Heri wao wale wataniamini sans voir. Bila kuona. C'est vous et moi. Ni mwe na miye. Heureux ceux qui croiront. Heri wao wale wataamini. Kule mambo Golgotha atukujia unaki. A Golgotha tuna napa etelame. Heri zale bantu. Heri ces gens-là. Heri bale parce que ces gens sont heureux. Imani ya beaucoup ya beisa. La leur foi. Aba une fuite me bale chika. Ils ne voient rien mais ils acceptent, ils croient. Que dirons-nous à l'égard de tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera autrement? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui sera difficile? Sinon, vous dites, moi, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile? Les lamentations vont s'arrêter. Agitation de Tachimama. Ton agitation s'arrêtera. Frère, d'où? Si où est vraiment mon je ne sais pas que Dieu nous vienne. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais il a livré pour nous. Écoutez maintenant. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu y a que. À cause de lui. Il va nous donner toutes choses. Maintenant, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. Amen. Non. Voyez-vous? C'est pourquoi on escape à David Barcelona. C'est pourquoi vous entendez le David dire. On parlera de ça demain. Tout à l'heure, c'est mes yeux. Je n'ai jamais vu un juste. Mais si on a comme on y a qui abandonné. Le juste là c'est qui? Munyaki ule ni nani? Oui, nami. C'est toi et moi. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si on a comme on y a qui bana mwacha. C'est ça, angara ou ma attitude. Maintenant, regarde ton attitude. J'ai tellement prié Dieu. Non. David a dit qu'il y a quoi comme on est acquis. David dit il n'y a jamais eu un juste que Dieu abandonne. Si Manel est tranquillisé pour ma frère Narasim. Que cette parole puisse tranquilliser des frères et des sœurs. Et pour rassurer quoi que ça puisse te rassurer en disant il n'y aura jamais un juste que Dieu peut abandonner. Mais là, ça, ouais, je vais répéter ça. Dieu ne peut pas m'oublier. Certes, Dieu fera quelque chose. Pas comme un boy tabadi. Certes, la situation s'y va. Ta confession. Fera changer les choses. Ta confession, il y a un souverain sacrificateur de notre confession. Il prend ta confession, il présente devant Dieu, et Dieu, à cause de cette victime propitiatoire, accorde. Soyez seulement patient. Au temps de Dieu, les choses se décanteront. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que ces paroles donnent la force, la joie, la l'assurance. Tout à chemin, monsieur Bouti. Mettons-nous debout tous. Bouté soit, quoi que voilà. Kumeni pa okovu, siofu, siofu, kumwimbia pote, nenda po, kuteswa, kuteswa, wake Bwana. Thank you.